Mes yeux contemplent ce portrait, un ange s'y reconnaîtrait du charme. Était jaloux, et moi je tombe à tes genoux. Gardant au cœur ta souvenance, je la cherchais sans espérance. Oh!